le plafond là, du bâtiment. On a aussi donc dans ce bâtiment le toit de terrasse, donc qui fait partie aussi des piliers de l'architecture d'André Voguenski. Et la circulation, la libre circulation au niveau de ce qu'on appelle la promenade. Donc la libre circulation là, de l'homme au rez-de-chaussée. Et à l'intérieur, vous avez également tout un programme au niveau du mobilier, au niveau de la circulation des personnes. Donc ici, c'est réfléchi pour le personnel. Donc l'hôpital de l'Aigle a la chance, on va dire, d'avoir de l'architecture des années 70, qui est aujourd'hui... l'intérêt aujourd'hui, c'est de faire des démarches pour que ça devienne, qu'il soit classé en fait au patrimoine du XXe siècle. Donc ça demande des démarches auprès du ministère de la Culture, auprès aussi en région et ensuite sur Paris. Donc il y a tout un dossier à monter. Et pourquoi on se pose la question de classer un bâtiment de cette époque, hein, du XXe siècle, c'est... C'est parce que c'est un témoin d'une époque, c'est un témoin, l'architecture, c'est le témoin d'une période. Donc les années 70 et un courant d'architecture, le style international, qui a été un courant, comme le dit son nom, un style international qui a été dans le monde entier donc, et qui a influencé l'architecture jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux grands architectes qu'on a aujourd'hui dans le monde.